Ladies and gentlemen, si vous trouvez que la semaine est longue, vous trouverez le samedi soir très court. One, two, three, let's go. De 20h à 22h, c'est Jadoul. Bonsoir à tous, bienvenue, nous sommes le samedi 15 septembre 2018, il est 20h, un petit peu passé, on prend l'antenne avec un peu de retard, je vous explique, on fait une déloc. Alors qu'est-ce que c'est une déloc? C'est-à-dire qu'on prend le studio et on le met ailleurs, sauf que nous, un truc de dingue, c'est qu'on a un studio, on a deux studios, l'un à côté de l'autre. On n'arrive pas à faire une délocalisation juste à côté. Ça, c'est quand même dingue. C'est-à-dire qu'on arrive à prendre l'antenne avec un poil de retard à cause d'une déloc de 3 mètres. Je trouve ça juste dingue. En tout cas, voilà, je salue toutes les équipes Pilar FM et à qui je dis bonjour, enfin plutôt bonsoir en ce moment. C'est à notre magnifique, celui qui a été taillé comme une haie. Non, je rigole, il s'est bien coiffé pour l'occasion. Voici notre Emilien, comment ça va? Salut, ça va bien? Ça va et toi? Très bien, très bien. Alors, je dois te dire, dis-moi. Tu es un des chroniqueurs les mieux coiffés de toute l'histoire de cette émission. Ah bah je le prends très bien, mais je reviens du coiffeur. Et, ah d'accord, ah, ouais, je comprends, c'est juste magnifique. On fera un selfie, tout ça, on va vous mettre ça sur les réseaux sociaux. Et en parlant de services sociaux, nous avons notre... notre Alissa Noël qui est là. Bonsoir. Comment ça va? Ça va bien, et alors, toi? Oui, ça va. Qu'est-ce que t'as fait à ta voix? Ben, j'étais déjà malade de base, j'ai été faire une soirée karaoké hier, et voilà le résultat. Pourquoi faire un karaoké quand on est malade, quoi? Oui, c'est ça, mais c'est complètement... Ça m'a trop tenté, j'aime trop, tu me connais. C'est vrai? J'aime trop la musique. Allez, karaoké, t'adores. Oui, voilà. T'as une belle voix pour chanter? Ben, je pense. C'est vrai, est-ce que... Je pense. En fait, je vous explique. Ah ben, on va faire le dos maintenant. Je suis arrivé ce matin à la production et j'avais une seule volonté. C'était qu'on fasse une musique avec Jadoul dedans. Et alors j'ai dit, bah écoutez, trouvez une chanteuse, faites quelque chose, il faut qu'on fasse un délire. Je me sens mal. Et alors du coup, comme Alissa était malade et complètement indisponible, on s'est dit, il faut la remplacer. Alors qui était disponible pour la remplacer? Eh ben, c'était la voix off de l'émission, qui est une bonne voix bien grave pour chanter du Aya Nakamura. Oh, trop cool. Je vous propose d'écouter, c'est juste dingue. Oh, Jadoul. Y'a pas moyen. Jadoul. Je suis pas ta cata. Jadoul. En cas de la baby, tu dates ça. Ah, ça fait flipper quand même. C'est un style, je trouve. Tu trouves qu'il y a un délire? Ah, ouais, il y a un délire. Ouais. A un délire. Ouais. Et comment tu peux nous le faire a cappella, cette chanson, Alissa? La vraie? Bah oui, celle-là. Non, mais la vraie vraie ou avec le Jadoul? Bah comme tu veux, ce qui te vient à l'esprit. Tu crois que j'arriverai à chanter avec la vraie? On croit en toi, on croit. Ouais, on croit en toi. Ouais. A cappella, ça va être vas-y. Dur. Oh, tcha tcha, y'a pas moyen, tcha tcha, j'arrive pas. Non, mais c'est un concours de rire ou c'est, ouais. Ça se passe comment? Vraiment. Ah ouais. J'ai honte. Rien que pour ça, on peut t'applaudir. On merci. Est peut-être que deux, mais on t'applaudit. On te soutient. On te soutient dans merci. Ton, dans ton long pas... chemin vers la guérison. Voilà. Alors que vous soyez chez vous, à la maison, en voiture, dans votre cuisine, dans vos toilettes, je sais jamais. Ou alors, je sais pas moi, en prison ou à l'hôpital, on vous embrasse et voilà. Le plus important, c'est qu'on va vous faire sourire. C'est la devise de cette émission. C'est ce qu'on s'est fixé. Et d'ailleurs, déjà pour vous faire sourire, on a pris Alissa Noël même quand elle est malade. Là au moins, on est sûr qu'on va se marrer. Mais comme vous disait cet artiste en anglais, pour ceux qui parlent anglais évidemment. I just want to make you smile. Et quelque chose d'exceptionnel aujourd'hui, c'est qu'on est filmé. Donc c'est-à-dire que, ouais. on s'est pas dit on va bouger de studio comme ça pour le plaisir. On a bougé de studio parce que ici on est dans un plateau à la base qui sert à la télévision et qui a été un petit peu remodelé en studio de radio. Alors on n'utilise que la moitié du studio, mais ça c'est sympa. Je trouve que c'est joli. C'est stylé, hein. Ouais, c'est sympa. Beau. Puis il y a des pancartes Hilar FM, il y a des caméras, voilà, on nous voit. Alors oui, ça casse un rêve. Hein, quand ouais. vous nous voyez ici à l'image, c'est sûr que ça peut casser casser certains rêves et certains fantasmes. Enfin, je sais pas s'il y a des gens qui ont des fantasmes en se projetant sur nous. En tout cas, il y a peut-être des gens qui sont fans de ta voix, Lisa. Ça, je pense. Ça risque d'arriver. Ça va alors. La semaine a été bonne chez toi, Lisa ? Ouais, nickel, hein, c'est bien passé. Alors, il y a juste quelque chose, c'est que les auditeurs m'ont dit, enfin voilà, c'est ce qu'ils m'ont dit, on a beaucoup centré la précédente émission sur toi. Tu nous as monopolisé l'antenne. Moi, on désolée. A parlé que de toi. Non, alors, tu es la star. Ouais, je sais pas si c'est le charisme ou le. Je sais pas. Mais en tout cas, voilà, on a beaucoup parlé de toi. Je sais pas si c'est normal ça. En tout cas, voilà, on va faire beaucoup de choses dans cette émission. Les news, car oui, Monsieur News est là. Ouais, c'est moi. Pas Monsieur Nude, Monsieur News. Il est là, c'est Emilia qui va vous faire toutes ces actualités insolites dans cette émission. Et puis moi, je m'appelle Jadoul, je vous souhaite la bienvenue. Vous pouvez nous contacter, plus 32 49 9 15 75. Bienvenue à vous, il est 20h28. Bonjour Jadoul, en direct sur votre radio en ce moment. Nous sommes en plein cœur d'une émission, mais je vous le dis, une émission faite aux petits oignons, ça va être magnifique. Et alors surtout, ce qui est magnifique, c'est que j'ai commandé un nouvel habillage. Donc c'est-à-dire que, vous voyez, quand on fait une émission, on aime bien un petit peu changer les sons qui reviennent régulièrement, histoire juste de ne pas rester dans la routine. Voilà, c'est ça, un petit peu changé. Alissa, tu sais ce que c'est un jingle ? Oui, tu merci. Tu sais ce que c'est un habillage ? Oui. Alors, tu te souviens du jingle Les News de la Semaine ? Non. Non ? Eh ben, non. Ça donne ça pour ceux qui ne s'en souviennent plus. Les infos intéressantes qui vont vous intéresser, c'est les news de la semaine. Bon, vous l'avez en tête, c'est celui-là. Ouais, ouais. Alors, j'ai demandé à l'équipe, s'il vous plaît, vous pouvez me refaire un jingle pour les news. Les news de la semaine. Voici ce qu'ils m'ont fait, je vous jure que c'est vrai. Les infos intéressantes qui vont vous intéresser, c'est les news de la semaine. C'est le même. Il n'y a rien qui change. Si, c'est un petit peu l'instru qui change. Ouais, il y a une note. Ouais, il y a quelques notes qui changent. Le gars, on l'entend un peu plus. La guitare, on l'entend plus. Enfin, il y a des variations, mais c'est le même. Ils ont essayé au moins. On peut pas leur reprocher. C'est vrai. Alors du coup, je me suis dit, je vais le faire moi-même. Et je vous propose au moins un tout nouveau jingle pour les news de la semaine. Je l'ai fait moi-même. Fait avec le cœur. Avec le cœur, il est encore chaud, il sort du four. Le voici. J'adore. Les infos intéressantes qui vont vous intéresser, c'est les news de la semaine. Il est bien ou pas ? Ouais, un peu électro comme ça. Un peu, ouais. Ça rafraîchit un peu l'antenne. Ça change. Allez, on va se faire les news. Emilien, qu'est-ce que tu as pour nous ? Tu vas nous faire deviner, je sais pas du tout ce qu'il a prévu, je suis au courant de rien. Alors, qu'est-ce qu'un chauffeur de bus donc a retrouvé dans son car ? Qu'est-ce qu'un chauffeur de bus a retrouvé dans son car ? Ouais. Ah, il faut dire un truc, ouais, Alissa. Une pomme. Non, pas du un tout. Mort. Un mort, non. Un pistolet. Non. Quelque chose de vivant. Non. Un objet complètement dingue. L'objet n'est pas dingue, mais son emplacement, ce qu'il fait là. Ouais, ce qu'il fait là, c'est dingue. Un morceau d'avion. Non. Un astéroïde ? Non, pas du tout. C'est quoi déjà ? Je sais même pas. Qu'est-ce que c'est un astéroïde ? Comment un astéroïde peut se mettre dans un bus ? Vas-y, dis-nous, parce que... Je sais pas, c'est pas un truc qui tombe du ciel ? Ah, si, c'est bien. Voilà. Ça, ouais, c'est un peu gros, quoi. Hein. Je veux dire, tu te le prends sur la gueule, tu le sens passer. Bon, alors je t'écoute, qu'est-ce que c'était ? Eh ben, donc, un chauffeur de bus a découvert 16 000 euros dans son car. Waouh ! Ah ouais, le gars, ouais. Il a gagné l'auto. Ouais. C'était le 11 septembre, il était genre 7 heures. Le 11 septembre, une belle date pour gagner de l'argent. Il rentre dans son car, il regarde s'il n'y a pas de crasse que les gens ont laissé. Ouais. Et puis là, sous un siège, il retrouve un sac et à l'intérieur, il y a 16 000 euros. Mais ça appartient bien à quelqu'un. Bah ouais, mais il a tout rendu à la police, lui. Ah oui, donc il est honnête. Gardé. Il est très honnête. Ah ouais, quand même. On en parlait la semaine passée d'ailleurs de ça. Qu'est-ce que vous faites si jamais vous trouvez une somme folle ? Eh ben, il l'a donné à la police. Ben, c'est pas mal, je veux dire. C'est bien. On est fiers de lui. Et on n'en sait pas plus sur cette histoire ? Que c'est un. Voilà, là, il est parti, il est au fond du studio. Ouais. Il avait un passeport congolais aussi dans le sac. Ah, d'accord. Ouais. On va peut-être pas se mêler de l'affaire parce qu'il y a peut-être de la mafia là-dedans. Non, mais en tout cas, voilà. Bah, merci pour cette info, Emilien. On va avoir aussi une toute nouvelle séquence. On a bossé, les amis. On va avoir la nouvelle séquence d'Alissa Noël. Je vous dis chaque moment une séquence attitrée. Quelle est ta séquence ? Astuces. Enfin, en fait, je vous donnerai des astuces. C'est ça, dans voilà. La vie quotidienne. Donc ça s'appelle. Je sais même plus comment ça s'appelle. Bon, vous découvrirez quand vous entendrez le jingle qui est aussi nouveau pour l'occasion. Donc comme ça, ça vous fera un petit rappel. Le jeu des 5 mots dans quelques instants. On va s'appeler aussi toutes les personnes qui fêtent leur fête aujourd'hui, tout simplement. Qui sait, c'est quoi la fête du jour aujourd'hui? Je sais pas du tout. Vous savez pas du tout? Non. Ah, c'est pas Augustin? Je sais pas du tout, parce que moi je vous pose la question parce que je sais pas. Je sais pas. Voilà, et comme ça c'est dit. Allez, retrouvez-nous en direct sur ilarfm.com, arl.fm et également sur Radio Sud en FM. J'espère qu'on vous accompagne dans la voiture ou si vous êtes chez vous, tranquille. En tout cas, laissez-nous vos messages plus 32 49 9 15 75. Est-ce que Alissa va réussir d'ici la fin de l'émission à m'apprendre quelque chose? C'est ce qu'on va voir dans la surprise. La surprise. Oui, c'est ça. Bah, alors je vous le dis, si elle arrive à m'apprendre quelque chose, on fera une minute info, on fera tout ce qu'il faut. Okay. Mais en tout cas voilà, on fera une grosse fête. Alors aujourd'hui la programmation, ils m'ont prévenu, tout a été bousculé. On retrouve vraiment que des hits, des choses qui viennent de sortir il y a même pas 2 semaines. Donc c'est vraiment de la nouveauté à 100%. Et ça, je salue les équipes. Félicitations à eux de nous proposer toujours une programmation qui me correspond et qui en même temps correspond aux tendances actuelles. Ouais. Il t'est arrivé quelque chose de spécial cette semaine ou pas? Alors cette semaine, je réfléchis, hein. Quoi? C'est le bistrot. Alors, une semaine ennuyeuse, hein, je pense. Une semaine ennuyeuse? Rien de. Fallait écouter nos podcasts sur iTunes. Non, mais ça fait quand même un peu space, le mec qui se réécoute et tout. Ouais, ça doit faire, c'est un peu spécial quand même. Bah, quoique, c'est important de se réécouter pour s'améliorer. Ouais, mais moi, genre, mes parents, ils m'écoutaient en bas. Je suis descendu, j'ai entendu ma voix, je suis parti en courant en haut. Je voulais pas m'entendre. Ah oui, d'accord. Ah oui, t'aimes pas t'entendre? Ah non, je sais pas. C'est bizarre. Ouais, mais il faut pourtant, il faut ça. Mais en fait, je m'écoute quand je suis tout seul, mais pas avec des gens. Ah d'accord. C'est en fait, t'as peur qu'on te juge. Ouais, j'aime pas quand il y a des gens, ça fait un peu. Ah ok. Genre ils te fixent et toi t'es juste derrière, comme ça un peu. Ah oui. Je vois bien comment ils te fixent. Donc ils parlent à la radio. Ouais. On t'entend, on te voit. C'était toi. Ouais. C'est exactement ça en fait. Ouais, je comprends. C'est un peu spécial effectivement. Allez, la suite de cette émission, elle va être dingue. C'est pour ça qu'il faut rester à notre écoute. Jadoul est là, il vous lâche pas. Je sais pas pourquoi je parle de moi à la troisième personne. C'est parce que je suis content. Ah, tiens, je viens de recevoir un sexto de Julia, on se l'écoute. C'est le titre de la chanson. Hein. Oh, quelle horreur ce titre! C'est spécial. En principe, je ne peux pas dénigrer les musiques qu'on passe, mais là, je suis désolé, je peux pas. C'est plus fort que toi. C'est d'une. Je sais pas, c'est plat, c'est mou, j'aime pas trop, enfin voilà. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Alissa, avec ton oreille musicale? Moi, j'aime bien, enfin. T'aimes bien? Ça me dérange pas plus que ça, non, j'aime bien. Vous venez d'assister à la toute dernière diffusion de ce titre à l'antenne. Depuis, Jadoul l'a banni et vous l'entendrez plus jamais. On vous a débarrassé de ça au moins. Voilà, au moins, on s'est fait des amis à la programmation. Ouais. Ça c'est fait, on peut passer à la suite. Vous êtes dans Jadoul, tout va bien. Jadoul, 20h-22h sur Rire FM. Oui. Alors, dans les nouveautés, on a également un bed. Alors, un bed, qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne savent pas? Qui peut me dire ce que c'est un bed? Un bed? Un bad? Un lit? Ouais, un lit. Donc, c'est-à-dire que c'est quelque chose sur lequel on couche sa voix. C'est un fond musical, si tu préfères. Oh. Et donc, ils ont... je vous jure que... Les tocards à la production, ils ont réussi à intégrer le mot Jadoul dans la musique, mais d'une manière très subtile. Il y en a sûrement quelques-uns d'entre vous seulement qui vont réussir à entendre le petit Jadoul dissimulé. Je vous propose d'écouter. Ah, il faut le trouver. Hein. Ouais, c'est c'est un espèce de Jadoul très subtil. En tout cas, je les remercie parce que j'aime beaucoup le bed. C'est ambiance cocktail, tu vois. On va se servir des verres. Bon, alors il y avait un truc de dingue qui s'est passé il y a 30 minutes ici. Il y a quelqu'un du bâtiment qui est venu me trouver pour me dire. Vous fumez des joints là-haut? Sérieux? Parce que, en fait, je vous explique, Alissa fume de la cigarette, mais alors elle fume à l'extérieur des studios. Et alors du coup, avec le vent et tout ça, et avec la porte d'entrée, bah, tout est rentré à l'intérieur. Alors, les gens qui passent à l'étage en bas, en bas, il y a des bureaux et tout, ils nous ont demandé, ouais, mais il y a des gens qui fument des pétards là-haut. T'as pas dû comprendre au début. Non, mais j'étais là, non, enfin oui, non, bah oui, ça sent la cigarette, mais c'est parce que voilà, ça fume un peu, quoi. Je tiens à préciser quand même que l'odeur de la cigarette n'a rien du tout à voir avec l'odeur des joints comme tout à on fait. Pourrait le penser. Bon, alors toi, c'est évidemment des cigarettes qui font un peu rire, exactement. Mais bon. Exactement. Hein? Non, des cigarettes normales, s'il vous plaît. Non, je rigole. Ouais, non, mais voilà. Donc, c'est une petite info pour toi. Quand tu sors prendre, fumer une cigarette, je fermerai les ce qui est évidemment mauvais pour la santé, donc ne le faites pas exactement. Chez vous. En tout cas, évitez de le faire. Eh ben, ferme la porte et reste enfermé. Ça voilà. Nous fera des vacances. Et comme ça, on pourra continuer tranquillement cette émission. Ok, ça va, je retiendrai. Parfait. Le jeu des 5 mots dans quelques instants dans cette émission. Oui, on dirait pas, mais c'est une émission. Allez, on peut se faire une petite news encore une fois ? Ouais, pas de problème. Nickel, on peut repartir en mode news. C'est parti. Ça marche. Alors, de quoi vas-tu nous parler ? Qu'est-ce qu'un homme a trouvé dans ses WC ? Dans ses WC. Oui, c'est eux. Dans ses toilettes, quoi. Ouais, dans ses toilettes. Allez, on va partir. C'est parti. Une araignée. Attendez, c'est une cloche, ça n'a rien à voir. Qu'est-ce qu'il a pu trouver dans ses toilettes ? Quelque chose de pas très propre ? Non, pas spécialement. Pas spécialement. C'est pas normal. C'est une pas araignée. Censé être là, quoi. Non. Une araignée. Un serpent. Quelque chose ouais. De vivant. Ouais, c'est bon, on l'a trouvé. Oh, d'accord. Allez, ah, bim. Un point pour Alissa, nickel. Donc, c'était un mec, il était chez lui, c'était le matin, et puis là, il entend un gros bruit qui sort des toilettes. Ah ouais. Et donc il va voir. Un bruit, mais depuis quand ça fait du bruit un serpent ? Mais genre il tapait pour sortir de la cuvette. Ah oui, d'accord, ah oui, il tapait ouais. Avec son museau, avec enfin tête, je sais pas, ouais. Ouais, avec sa tête. Et donc là il ouvre et c'était un gros piton, je pense. Un gorille, j'ai cru. Ouais, non, un piton. Un piton. Et puis donc il appelle les pompiers, mais ouais. En paniqué il appelle aussi son voisin. Ouais. Et donc son voisin, je sais pas ce qu'il lui a pris, il a pris un morceau de bois et il a éclaté la tête du serpent. Et donc après les pompiers ils sont arrivés, mais pour le sauver, pour le mettre dans un zoo. Ils ont ouvert la cuvette et puis ils ont vu le serpent avec la tête éclatée, quoi. Ah ouais, gros malaise, je pense. Ah, c'est serpent. Magnifique. Oh, le pauvre serpent. Bah, excuse-moi, oui. Toi, t'as un serpent dans les toilettes, je pense que tu changes de quartier. Oui, non, j'appellerai les pompiers ou quoi, mais j'irai pas faire du mal à la bête, quoi. Enfin... Ah, c'est son voisin, je sais pas ce qu'il lui a pris. Il a pris un morceau de bois, il lui a éclaté la tête. C'est ce que son copain a dit à Alissa. J'irai pas te faire mal à la bête, là. Sauf qu'il parle d'Alissa, évidemment. Bah, j'espère qu'il ne t'entend pas à ce moment. Mais non, il sait très bien que c'est de la vanne. Non, mais j'adore, j'imagine le voisin là qui est en train de d'appeler ouais. L'autre mec là. Eh oh Marcel, j'ai un petit problème là dans mon shop là, j'ai un serpent, tu peux venir faire quelque chose ? Ouais, bien sûr, attends, je sors ma pelle. Et c'était vraiment ça. Ah oui, à mon coup de pelle, il est pas parti. En fait, je voulais juste un coup de pelle. Voilà, merci. Voilà. Hop, le serpent. Ah merde, voilà. Bravo, la technique, vous allez en prendre une. Non, mais le serpent. Voilà, c'est voilà, bon. C'est on l'a. On est synchro, nickel. Bon, alors, cette actu, on la juge comment ? 1 sur 5, tu la juges comment, toi, Alissa ? 3 sur 5. Moi je mettrais un 4, c'est pas mal. Mais en c'est fait, pas j'ai mal. Pas compris, faut que je mette la note sur ce que lui là, enfin sur ce qu'il a dit ou sur comment je trouve la truc. Non, à quel point c'est insolite quoi. Ouais, à quel point t'adores l'actu quoi. À quel point l'actu tu l'as apprécié. Ah, 4 aussi. On dirait qu'elle est ivre. Ouais. Non, je l'adore. Malade, je comprends plus rien là. Bon, elle est malade. Dans quelques instants, elle va parler comme ça. On comprendra plus ce qu'elle dit. Ça va être une horreur. Bon, voilà. Merci en tout cas pour cette actualité, Emilien. Bah, de rien. Je rappelle que c'est le monsieur actu de cette émission. Donc voilà. Et si vous avez des sujets d'ailleurs à lui envoyer, n'hésitez pas à envoyer ça sur son adresse mail, évidemment. emilia@tmsprod.com. Il vient d'apprendre qu'il a une adresse mail maintenant à l'antenne. Ça fait plaisir. Voilà. On t'en fera une. N'envoyez pas maintenant, elle n'existe pas. Envoyez sur le compte de l'émission et on lui transmettra. Comme ça, c'est bon. Le jeu des 5 mots juste après la musique, ça vous va ? Ouais. Ah, ça c'est nickel quand même. On va se faire un bon petit jeu des 5 mots entre nous. Je sais pas qui va jouer contre qui. On va découvrir ça d'ici quelques instants. Ça vous marche, va? On fait ça. Ça marche. Vous connaissez Imani? Pas oui. Du tout. Imani. Bien sûr. Imani. C'est étonnant. Pour une fois qu'Alissa connaît. Là, moi, pas du tout. Pas peut-être du tout. Que le son dirait si, quelque chose. Tu vas connaître. Elle chantait aussi Don't Be So Shy. Je sais plus si, ce que c'était. Si, va ah connaître, oui, bah, c'est va bon. Connaître. Ah, tu l'as? Ouais, c'est allez, c'est parti. On s'écoute Imani tout de suite en direct sur Ilar FM. Je vous souhaite une belle soirée. Un nouveau titre. Je sais pas ce que c'est. On va le découvrir ensemble. C'est parti. Bonne soirée. Qu'est-ce que vous en pensez de ce titre ? Dites-le nous, plus 32, 49, 9, 15, 75. Oui, qu'est-ce que tu en penses, toi ? C'est reposant. C'est reposant, ouais. Oui. Donc, on va vous réveiller maintenant, ouais. Il serait peut-être temps. Allez, Jadoul est là, il déménage. Là, ouais, on a ouvert une société de déménagement. Jadoul, 20h, 22h, sur Rire FM. Alors, attention, je vais vous dire quelque chose qui va certainement vous faire plaisir. je peux vous annoncer officiellement qu'on va faire un jeu des 5 mots. Est-ce qu'il est prêt? Je suis prêt. Magnifique. Ouais. Alors là, je m'attendais à un non et devoir enchaîner sur quelque chose d'autre. Eh ben, je te remercie. Alors, alors c'est parti, jingle, jeu des 5 mots. Celui-là, il n'a pas changé. Qui en trouvera le plus face au chrono? C'est le jeu des 5 mots. Avant de faire ce jeu des 5 mots, je rappelle les règles et comment ça fonctionne, tout simplement. M'effrayer ce bed. Comment fonctionne le jeu des 5 mots? C'est bien simple, Alissa va vous l'expliquer. Il faut faire deviner 5 mots. 5 mots en, bah oui. 30 secondes, non en, ouais, ouais, 30 secondes, je pense. Non. Parfait. Moi, elle a compris une séquence, je suis bluffé. Allez, c'est parti. Emilien, tu joues avec moi car Alissa a vu tes mots. Ouais. Donc du coup, et comme moi je suis honnête et que je les ai pas vus, bah tu vas jouer avec moi. Okay. Allez, attention, c'est parti, on part pour 30 secondes, on va aller vite, 3-2-1. Alors la fille qui chante One Kiss. One Kiss. Ouais. Ah mince, bah c'est Calvin Harris. Non, ouais, mais la fille. Ah non, ah non. Oh, c'est cruel. Tu veux pas parler là-dessus. Ça commence par un D. Dua Lipa. Ouais, ouais, c'est bon. Un mammifère marin, mais qui est au-dessus de la chaîne alimentaire. Un mammifère. Un requin. Ouais. Un beau gosse qui présente la radio avec nous. Jadoul. Ouais. Avec quoi on écoute de la musique? Des écouteurs. Non, l'autre. Un casque. Ouais, trop tard. Et il en manque un. Ouais, il en manque encore un. Ah non, mais je suis pas bien. Ah, mais c'est sur Dua Lipa aussi. Bah oui, mais la grosse Dua Lipa, elle aurait pu. Mais c'était elle aurait... simple. Bah oui, c'était simple, mais écoute. C'était super simple. Moi, en tête, quand je voyais One Kiss, j'avais la pochette bleue. Ouais. Avec Calvin Harris et tirait quelque chose. Ah bah. Et j'étais là, j'étais. Allez, donc. Bon, vous avez tous compris, j'ai une mémoire visuelle. Bon. Ouais. alors que, je vous jure, j'ai subi une batterie de test là récemment. Ouais, vous inquiétez pas, tout va bien. Eh ben, tout simplement pour définir ma mémoire, quel type de mémoire j'avais. Je vous jure qu'en répondant au bout de 50 questions, ils ont défini que je n'avais pas une mémoire visuelle. Et c'est pourtant, je vous jure que je. C'est... D'ailleurs, je suis graphiste en dehors de l'émission. Ouais. Enfin, je veux dire, j'ai une mémoire visuelle, mais voilà, et je suis très doué pour reconnaître les typos et tout ça. Enfin, je comprends pas. Le test ne me parle pas. Moi aussi, normalement, je suis visuel. C'est vrai? Ouais. D'accord, bah oui, visuel évidemment, c'est pour ça qu'il a une coupe de cheveux au top. On connaît, hein. En tout cas, voilà. Alissa, tu vas nous préparer ton jeu des 5 mots. Oui. Et tu vas jouer contre Emilien, car lui, au moins, il est honnête, il va pas regarder sur ta feuille. Je ne regarderai pas. Et elle a toujours réussi à tricher dans la vie. Hein. C'est dingue ça. Ton permis, tu l'as eu comment? Je l'ai même pas. Ah bah voilà. Voilà, au moins comme ça, c'est réglé, c'est clair. Bon, là-dessus on est bon. On va se faire une dernière actu, voilà, comme ça, rien que pour nous. Okay. Alors, est-ce qu'on a une que tu sais pas nous faire deviner? Ouais. Que je vous fais. Ok, ça marche. Parce qu'il y en a sûrement dans ton lot de feuilles, il y en a sûrement une où tu te dis, bon, bah, je sais pas comment la faire deviner. Ouais, y en a si une. Celle-là, tu peux nous la faire maintenant. Ça marche. Ça me va, c'est parti. Les news de la semaine, avec son nouveau jingle, évidemment. On va quand même le rentabiliser. Ouais, vas-y. Il est fabriqué avec mes petites mains. Allez, c'est parti. J'adore. Les infos intéressantes qui vont vous intéresser, c'est les news de la semaine. Alors, c'est une femme qui avait perdu son chat. Et 10 ans après, il y a un veto qui l'appelle et qui dit « Je pense avoir retrouvé votre chat. » Ouais, mais un chat qui ressemble. Ben, alors là, elle dit « C'est une blague, je vous crois pas. » Puis le monsieur, il dit « Venez voir. » Et donc après, elle arrive. Ouais. Et elle l'appelle par son prénom. Le chat le voit, se retourne, elle commence à caresser. Elle a tout de suite vu que c'était son chat. Oh donc, non. Si 10 ans après, elle a retrouvé son chat, quoi. 10 ans. Bah ouais, oui, bon, Alissa, on comprend. Elle a été enfermée à l'âge de 5 ans. On l'a retrouvée 10 ans plus tard. Bon, regardez les résultats. Ah, t'es très drôle. non mais ah oui, c'est dingue quand même. Ouais. Au début, elle pensait à une mauvaise blague. Hein. En fait, moi, j'y crois pas trop, puisque je pars du principe que les chats, déjà, voilà, les chats, c'est des animaux à coups de pied. Je vais faire beaucoup d'amis, moi. Non, mais je veux dire, les chats, je veux dire, c'est un peu infidèle. Bon, c'est pas très obéissant, à part bon, vraiment, si t'as vraiment le talent avec le chat. Talent, ouais, plutôt. Et ben, moi, je suis assez réticent là-dessus, puisque le chat, je veux bien, mais à partir du moment où t'as l'intonation pour l'appeler, il se retourne. Enfin, je sais pas, tu dis Félix, Nestor, Gérard. Enfin, je sais pas, à partir du moment où tu prends cette voix-là, regarde. Ouais. Regarde, Alissa, regarde par là. Regarde par là, Alissa. Jean-Jacques, voilà, elle se retourne. Bon. Ça fonctionne avec tous les animaux. Bon, hey. En tout cas, pour elle, en tout cas, c'était vraiment son chat. Genre, elle l'a dit, vraiment, c'est mon chat. Ah oui, bah moi aussi, je peux dire c'est mon choix. Ouais. C'est mon chat. Evelyne Thomas. Non, mais d'accord, ok. Ouais, non, il y avait pas une marque, une tache, quelque chose qui permet de le reconnaître. Si, ou... une tache blanche sur le ventre. Ah d'accord. Et elle disait qu'il y était. Oui, bah bon, oui. Après. Et après, la semaine d'après, on a vu que cette dame avait l'Alzheimer. Ouais. Et donc, on a compris tout de suite le délire. Bon, voilà, en tout cas, merci pour cette actu. Celle-là, je la trouve dingue parce que ça a ouvert un débat. Ouais. Enfin, ça, non, c'est juste qu'Alissa s'en a encore pris plein à la gueule. Exactement. T'as des amis qui t'écoutent fois en ce moment? Oui. Et mes parents, probablement aussi. Donc, c'est vrai, je pense qu'ils vont t'adorer maintenant. Mais non, ils savent bien que c'est que de l'amour. On s'adore, Alissa. Hein. Ah, ma beauté. Ah, oui, ma... Oui. J'ai dit ma beauté. J'ai ah, elle a hésité à dire oui. Hein. J'ai dit ma mocheté. Je vous jure, c'est sorti. Mais merci. C'est encore ma langue à fourcher. Oui. Tu vas quand même pas croire que je serais capable de dire quelque chose de méchant. Moi. Hein. La politesse, c'était demander, vous avez le temps ou vous êtes pressé? Ah ben non, voilà. Ben bravo. Non, mais en tout cas, voilà, on a fait une bonne première partie d'émission. On va toucher la 21h tranquillement. Ah mais déjà. Ouais, on est plutôt pas mal. Hein, on est plutôt pas mal. D'habitude, les auditeurs, ils nous disent. Et on me dit que c'est trop long. Mais non, là, on est bon. Tout se passe bien. Allez, en tout cas, on va se faire dans quelques instants le bonjour à tous ceux qui fêtent leur fête aujourd'hui. Il faudrait quand même qu'on sache quelle fête on est aujourd'hui. Hein. Ouais, mais je sais vraiment. Ah ben attends, je peux aller voir. Voilà, belle idée, belle initiative. Et si on prend des initiatives, ouais, on prend des directions, des trucs. Ça va, tu décèdes, Alissa, en fait? Oui, je suis en train de mourir là. Ce que vous entendez, en fait, c'est le bruit d'Alissa qui décède, voilà, tout simplement. Alors, on est le combien juste, aujourd'hui déjà? On est le 15. Reste entière aujourd'hui, c'est tout ce qu'on te demande. Oui. Hein, c'est possible? Alors, oui, en rentrant. Essayer. T'aimes bien le miel? Non, je déteste ça. On m'a déjà conseillé de prendre du miel avec du citron, mais. Bah, on est tous les deux. Alors non, sinon, alors c'est pas une vanne. Moi, ce que je prenais quand j'étais malade et que je devais quand même faire la radio, je prenais un espèce de spray pour la gorge. C'est quelques euros en pharmacie. Et t'aimes pas les sprays non plus? Non, mais c'est parce qu'après ça va toucher ma gorge et ça va me donner envie de vomir. Mais non, mais Alissa, s'il te plaît, le spray, tu l'enfonces pas au fond de ta gorge? Ah ouais? Bah non, le spray. Moi, j'ai un spray qui est à la maison et genre je dois l'enfoncer comme ça et puis je prie, tu sais. Ah d'accord, et je prie de c'est. Non mais alors ah, le spray, bon, tu le mets juste là après de ta bouche et après c'est bon. Ah ok. Non mais ok, d'accord. Je vais tester. J'ai trouvé les prénoms. Ah. On fête les Dolen avec un E, les Lola, les Loli et les Lolita. Ah oui, quand même. Lolita. Ah, j'adore. Elle est là. Oh, je vais appeler mon chien comme ça. Non. Non, mon gosse. D'accord, ok. Non, ok. Allez, moi, je m'appelle Lolita. Non, personne ne connaît cette chanson, d'accord. Si. Ah, quand même. C'est qui chantait ça? Alizé. Alizé, bien. Oh, et qui l'a intégré aussi dans sa chanson? Il y avait Julien Doré. Ah, ça, je sais pas. Ça, j'étais pas courant. Bah voilà, comme ça, tu le sais. C'est une news de la semaine, ça. C'est, ouais, c'est une des news. Alan Walker, Dark Size. C'est un petit peu Alissa, c'est la face cachée, tu vois. C'est un peu la face cachée de la lune. On s'écoute ça tout de suite sur Ilar FM. Passez une belle soirée, il est 21h. Quel bonheur de se retrouver ici en direct dans cette émission qui est là avec tous ces chroniqueurs, membres de l'équipe, vous appelez ça comme vous voulez. En tout cas, ils sont là et ils vont vous faire plaisir en me... Vous savez que vous êtes à l'antenne? Ouais, ouais. Oui. Le mec, c'est le seul, tu sais, il est occupé sur le téléphone. Ouais, ouais, attends, je finis la plomberie de Madame Jacquet, là. Non, mais c'est juste magnifique. Non, c'était on va... Ok, c'est bon, parfait. C'est bon. D'accord, ok. C'est bon. Ouais. Alors, dans quelques instants, la chronique d'Alissa. Mais d'abord, on va faire tourner la fameuse roue des séquences. Oui, c'est une nouveauté aussi, ouais, également. C'est quoi de ça? Alors, bah, c'est parti. Vous allez découvrir en même temps qu'on l'a fait. Ok. Une news de la semaine qu'on va faire tout de suite. Voilà, en fait, c'est-à-dire comme quand je ne sais pas qu'est-ce qu'on doit faire et que le conducteur est pas trop rempli, eh ben on fait tourner la roue des séquences et du coup on va se faire une news de la semaine. Okay. Et du coup c'est moi qui m'en charge. Alors c'est une dame, elle paye sa pizza mais à une somme folle. Attention, je vous propose de deviner avec moi. Est-ce que vous êtes prêts? Ouais. Oui. Pourquoi alors elle l'a payé aussi cher? Oui, enfin combien elle l'a payé? Wow. Surtout parce que ça c'est dingue. Allez, vous êtes prêts? C'est parti. 100 euros. Plus. Ouais. 1000. Plus. 5000. Plus. 15000. Moins. 10000. Moins. 7000. Moins. 6000. Plus. 6500. Plus. 6550. Plus. 6700. Bonne réponse d'Emilien dans cette émission. Du coup, ça fait combien de points pour Emilien au total? Un. Ah, bah c'est un ouais, chacun. C'est mon premier. Nickel. Alors, elle paye la pizza 6 700 € avec l'argent de sa voisine décédée. What? Non mais alors, c'est juste dingue cette histoire, je vais vous l'expliquer. Vas-y. La police britannique a découvert le corps d'une sexagénaire près de 2 ans après son décès. Et du coup, pendant ce temps, un homme de 25 ans utilisait tranquillement sa carte bancaire. Quand même, ouais. Un corps de 2 ans retrouvé, l'état doit être un peu particulier. Et surtout, pourquoi pour des pizzas? Oui, pour des pizzas. Mais alors, ouais. On voit le mec, à part avoir une calvitie, il a pas quelque chose de spécial, quoi. Il a l'air de bien aller. Et sinon, on voit les mecs quand même qui sont venus chercher le corps avec vraiment la combinaison blanche, ah ouais, quoi, ouais. En mode. Ça devait pas être trop beau. Voilà, donc c'est quand même 7 000 € chez Domino's Pizza. Mmh. Voilà, on les cite, on en cite d'autres, Pizza Hut et. Et Subway, je sais pas. Voilà, ouais, c'est vrai. Ils font pas de pizza, hein, mais ils vont vous en faire en wrap. Et donc voilà, c'est 2 ans qu'il aura fallu pour faire ça. Le verdict de la peine de cet homme va tomber le 12 octobre. Ouais, il y a quand même de quoi. Mais le 12 octobre, c'est aussi pour voir si Booba et Caris vont en prison. Ah, Booba et Caris. Alors là, attendez, il faut juste savoir que je n'ai pas tenu à ce qu'on en parle dans l'émission. Enfin, je veux dire, j'ai pas fait un gros dose dessus parce que je trouvais l'histoire un peu conne, quoi. Enfin, ouais. C'est une tempête dans un verre d'eau que les médias ont bien aimé agrandir, quoi. Mais c'est vrai que deux rappeurs qui ont une bonne carrure, ouais. Et qui sont des bonhommes, ils vont se péter dans une pharmacie, dans une parfumerie. C'est dingue. Ouais. C'est juste dingue. Je comprends pas. À ce moment-là, ils choisissent un endroit, genre une salle de sport. Ouais. Et là, ils vont se frapper. Enfin, je sais pas. Dans un aéroport, ils devaient bien savoir qu'il y aurait des problèmes. Ouais, mais c'est parce que c'est le duty free. Ils se sont dit que le duty free était aussi valable, ouais. Pour les peines. Ça va, Alissa? Oui, ça va toujours. Parce qu'on entend dans le fond. À un moment, on va entendre. Voilà, bip. Elle est décédée. Non, mais ça va. Tu vas tenir le coup jusqu'à 22h? Bien sûr que je vais tenir le coup. Magnifique. Allez, bon. Est-ce que tu es prête pour ta séquence? Oui. Ah non, c'est sérieux, t'es prête? Ah oui, bien sûr, je suis prête. Chaud bouillant. Ça, on sait pas, hein. Non, on n'a pas été vérifié. Mais non, ok, d'accord, on y va, c'est parti. La toute première séquence d'Alissa Noël, c'est parti. Vous êtes dans le 20h-22h, la seule émission à vous proposer des séquences qui vont s'arrêter le lendemain. Non, je rigole. Donne tout ce que t'as. Oui. Car après, on écoute de pige, en réunion après l'émission, on va se dire si on garde la séquence ou pas. Ok, ça va. Donc, fais ça au mieux. On peut te faire confiance? Oui. Je crois en toi. J'adore, c'est le plus petit oui au monde. J'aurais aimé un truc du style, oui, bien sûr, évidemment, fais-moi confiance, ça bien fait 3 sûr, ans qu'on bosse ensemble. Fais-moi confiance. Voilà, voilà. Bien sûr. Allez, c'est parti, l'astuce d'Alissa. L'astuce peu utile, mais très pratique. Vas-y. Donc, pour ceux qui aimeraient avoir la peau tonifiée et avoir la peau un peu moins brillante et qui resserre les pores, vous pouvez utiliser de l'eau froide, donc ça s'applique pour tout le monde. Et du coup, avec cette astuce, vous pouvez rester jeune pendant encore très longtemps puisque l'eau froide est un anti-ride naturel et très efficace. Wow, ça c'était intéressant, je le ferai. Donc si on résume, ça donne quoi? Donc vous appliquez de l'eau froide sur tout votre visage. Tous les matins, ça? Tous les matins, ouais. Tout le temps, comme vous voulez. Et donc du coup, ça tonifie la peau, ça resserre les pores et voilà. C'est génial cette astuce. Ouais, j'avoue. Ouais. Mais alors du coup, juste de l'eau froide? Oui, vous appliquez de l'eau froide et puis voilà. Mais c'est pour ça d'ailleurs qu'on dit que c'est bien quand il fait froid dehors parce que ça. Ouais. Exactement. D'accord, ok. Voilà, c'était la deuxième astuce d'Alissa. On rappelle que la précédente c'était l'huile d'Arissa. D'Arissa. Non mais voilà. En tout cas, merci pour cette. Rien. En tout cas, moi la seule chose que je peux dire pour compléter ton info, c'est que quand vous appliquez de la crème sur le visage, par exemple, quand vous massez, enfin quand vous mettez de la crème sous les cernes, c'est important de ne pas appuyer et pas déformer parce que ça déforme le visage, un truc comme ça, je pense. Exactement. Ah d'accord. Donc du ça, coup, il faut tapoter, oui. C'est ça? Voilà, exactement. Pourquoi okay. Ça déforme? Ben parce que vous appuyez fort, donc du coup ça va prendre plus la marque de vos cernes en fait. Ça fait pas ta modeler, monsieur Patate, voilà. Tu vois. C'est... J'ai appris 2 choses en 2 minutes là. C'est oui. Vous voyez, c'est que je peux vous apprendre des choses. On avait dit qu'on ferait une minute info. C'est parti, la minute info d'Alissa Noël. C'est la minute info. Merci Alissa. Voilà. J'espère qu'en tout cas ça vous a plu. Mais Ça, c'est pour les femmes ou c'est... Ah non, c'est pour les deux. Ah, ça s'applique aux deux. J'ai cherché l'astuce qui va pour les deux. D'accord. Oh, et t'en avais pas une spécialement pour les femmes ou pour les mecs? Ben non, parce que je me suis dit du coup... Semaine prochaine. Voilà. Quel sabbat, on sera... voilà. Ok. Alors, je vous explique, il faut qu'on se dise tout dans cette émission. En fait... comme je produis également l'émission, c'est moi qui dois booker les personnes qui viennent ou pas, les membres de l'équipe. Et alors du coup, on a un chroniqueur qui doit faire sa première maintenant depuis deux émissions. Et en fait, il peut pas, parce qu'en fait, il peut pas blairer Alissa. Alors du coup, il m'a dit, je viens n'importe quand, n'importe quel jour, où tu veux. Mais s'il n'y a pas Alissa. Et donc, pour répondre à cela, je voudrais juste lui dire que je ne le connais absolument pas. Donc je me demande pourquoi il ne m'aime pas. C'est normal, c'est la célébrité. Non mais en fait, un petit peu de jalousie peut-être. Jaloux de quoi? Ben, c'est un mec, hein, il veut pas ta poitrine, hein. Ah non, mais encore heureux, mais je sais pas. On dit souvent que les personnes qui n'aiment pas les autres sont souvent celles qui sont un petit peu envieuses, voilà. D'accord. OK. J'adore parce que elle, c'est Madame Teresa, elle sait tout. Ouais, tu vois, dans la vie, c'est important de elle va me sortir. Sors-moi une phrase philosophique que t'aimes bien. Alors là, on est mal barré. Si la vie, c'est comme un pot de cacahuètes. Non. Souris à la vie et la vie te sourira. Voilà. Ah, ça, c'est très cliché. J'aime par beaucoup. Contre. J'avais un ami très proche qui me disait ça avant. Résultat, on n'est plus potes. Donc, comme ça, vous savez tout. Ouais, c'est les petites anecdotes. Hein. On est entre nous, c'est le bistrot de Jadoul, hein, vous inquiétez pas. Tout se passe bien. En tout cas, voilà. On va se faire le. Qu'est-ce qu'il y a? Attendez, je suis perdu dans cette émission. C'est la Saint quoi aujourd'hui? La Saint. Lolita. Lolita, Loliva, Dolores. Lola. Et Dorène. Dorène. Mais c'est dingue, il n'y a pas un prénom. Lola, bah Lola, si. Ouais, enfin, Lola. Non, Lolita. Si. Lola et Lolita, ça va, c'est connu. Le reste, désolé si vous vous appelez comme ça, hein, mais je. Je suis à toutes les Dolores. Mais elle s'étouffe. Non mais c'est dingue. Enfin voilà. Bon bah on va les appeler d'ici quelques instants. Bah juste après la musique, ça vous tente? Oui. Ouais, parfait. On va caler les numéros durant la musique. Alors si je vous dis French, ça vous dit quelque chose? French. Si je vous dis Montana. French Montana. Ben Anna Montana. Non, French Montana. French Montana. Bon, avec Fire Moustin, hein? Français? Oh, je sais pas du tout, moi j'ai le titre sous les yeux, moi je commence pas à me casser la tête. Hein. On est là encore pour une heure presque, ouais, on va un peu déborder, on est chez nous. 45 ici. Minutes. Belle soirée, vous écoutez Jadoul. Il a RFM, ARL Radio Sud, nous sommes en direct, je vous souhaite une très belle soirée. Vous écoutez la première émission du samedi soir. Alors c'est pas prétentieux, c'est vrai, hein, c'est les statistiques. En fait je vous explique, comme on est la seule émission de la journée sur IRFM, c'est normal qu'on est la première. Ah bon. On est premier sur premier quoi. Voilà, on est premier de la grille quoi. Après en audience, je sais pas, mais on est les premiers de la grille. Ouais, il faut savoir un petit peu réfléchir comment est-ce qu'on peut amener la chose, vous voyez. Voilà, alors dans quelques instants, à la force de vous dire ce qui va se passer, je vais vous le faire en mode magasin supermarché, ça vous tente? Ça marche. Allez, vas-y. C'est parti. Attention. Dans quelques instants, au rayon chroniqueur, nous allons avoir un invité spécial. Voilà. Non, alors c'est la semaine prochaine, on va avoir une invitée ou un invité spécial. Alors Alissa, est-ce que tu sais qui c'est? Non, pas du tout. Emilia, tu sais qui c'est? Alors là, pas du tout. Alors, c'est-à-dire que ça va être un petit peu sacrée soirée. Surprise, surprise. on va essayer d'organiser ça. On va faire venir une ou un mec qu'on a été trouvé, ça se trouve dans la rue ou qui a une importance dans l'émission ou quoi. Et donc, du coup, voilà. On va essayer de faire cette séquence un petit peu surprise pour surprendre quelqu'un autour de la table. On travaille sur le dossier. Je sais pas ce que ça va donner. Ça va être un peu un mélange de l'IAC, la vérité qui compte et je sais pas trop quoi. Je suis pressé. Ça va être sympa. Mais alors, surtout, moi, ce que je vais adorer, c'est faire entrer l'invité, mais sur une musique genre Sacrée Soirée, tu vois. Qui connaît le générique de Sacrée Soirée? Personne? Non, pas du tout. Pas du tout. Vous allez l'entendre, vous allez reconnaître, je suis sûr. Je vais voir si on l'a ici dans la base de données. On ne l'a pas. Merci beaucoup. Vous m'avez fait espérer pour rien. Désolé. C'est pas grave. Bah écoutez, c'est la vie. Hein. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va se faire une dernière actu de Jean-Jacques. Ouais, ok. Ouais, mon nom c'est Jean-Jacques maintenant. Non, allez, voici Emilien et son actualité. Est-ce que je te fais deviner? Oui. Ok. Qu'est-ce qu'une femme. Enfin, une femme a senti une odeur bizarre dans son jardin, qu'est-ce que c'était? Un mort? Ah, non, pas vraiment. Du caca? Non plus. Fraîcheur, bonjour. De la. Je sais pas. Oh, le stress. C'est pas vraiment un mort, c'est ça? C'est mort, mais... Oh. Un animal mort. Ouais, voilà. Tu veux que je dise quoi comme animal, je parie? Ah, bah, trouve. Un chat? Non. Un chat, un chien? Non, déjà, c'est pas un animal, il y en a plusieurs. Des rats? Non. Des souris? Non. Des renards? Non. Des chiens? Non. Alors, je sais pas. C'est une femme. Elle s'est élevée le matin, elle était dans son jardin, et puis là, elle a senti une odeur vraiment nauséabonde. Puis elle a été voir au fond de son jardin, il y avait 13 cochons d'Inde morts. Oh, oh 13. Oh, l'horreur. Ah ouais. Oh. Et elle sait pas pourquoi c'est là. Ils étaient les 13 là, en ligne sur, dans son jardin. En ligne oh, en plus, une guirlande, c'est... une ouais, guirlande de cochons d'Inde morts. C'est mort. Un chiffre de oh là là. Qui porte malheur, le chiffre 13. Hein. Ah ouais, ça se trouve, c'est pour ça. C'est sûrement un psychopathe ou je sais pas quoi. Un mec qui a voulu lui faire peur, on sait ouais. pas. C'est un peu glauque, hein. Oh merde, j'ai oublié la cassette de Jadoul. Oh non. Personne me l'a rappelé. Désolé. Oh là là, ça va être la première fois de cette émission où vous allez devoir trouver la cassette en 40 minutes. C'est juste dingue. Ouais. On n'a jamais fait ça. Bon bah écoutez les gars, bah c'est parti la cassette de Jadoul. Allez-vous deviner le son de la semaine? C'est la cassette de Jadoul. Emilien, peux-tu nous dire la cassette de Jadoul, le principe? Alors, Jadoul va vous mettre une musique un peu modifiée. Et, un peu beaucoup. Un peu beaucoup modifiée. Et si vous reconnaissez donc la chanteuse ou le chanteur et le titre, vous nous appelez et vous recevez un petit cadeau. Ça, c'est bien vendu, ça. Ouais. Et dans les cadeaux, qu'est-ce qu'on reçoit d'office, si on passe à l'antenne? Un petit autocollant. Ouais, ah ouais, bien, un autocollant de l'émission, un autocollant Jadoul. Il y en a partout ici, hein. Il y a des autocollants qui sont collés partout. Vous en avez, vous? Non, faudra que tu m'en donnes un, tiens. Ah bah, vous êtes dans l'émission, vous n'avez même pas un autocollant. Ah, ça, c'est galère. D'ailleurs, moi, je le colle toujours sur mon téléphone. Toi, ouais, je le ferai aussi. Tu vas avoir un nouveau téléphone, ouais, toi, je pense. Mercredi, je vais le chercher. D'accord, quoi comme téléphone, tu sais pas? Un iPhone 6. Ben, il se fait pas chier, lui, hein. Non, c'est sympa, ça. Ouais, moi, je viens de voir l'iPhone, là, qui vient de sortir. C'est l'iPhone XR. Oui, XR. Il est dingue. Moi, je prends toujours des iPhones en plus parce que, en fait, j'aime pas les tablettes. J'aime pas les téléphones. Je préfère le mélange des deux. Voilà, c'est ça. Et t'arrives à le mettre dans ta poche? Ah oui, sans problème. Parce que moi, c'est toujours ça qui me fait stresser. Parce dans tous mes pantalons, ça rentre. Dans tous mes pantalons, ça rentre. Le seul truc qui est un peu embêtant, c'est, bah, en fait, je pense que j'ai jamais trouvé d'inconvénient. Je pense juste que le seul inconvénient que j'ai avec un grand téléphone, c'est que les gens sont là. Ah ouais, t'as un grand téléphone, ça. T'en fais quoi? Comment est-ce que tu fais quand tu téléphones? Tu dois bouger ton téléphone ou enfin, non, c'est un peu particulier. Et tu mets c'est pas vrai. De coque sur ton tel? Jamais. Jamais. Alors, c'est dangereux, ça. Non, parce que en fait, j'ai quelque chose. Je sais pas si c'est une chance ou quelque chose. Voilà. Je n'ai jamais, mais alors là, de ma vie, cassé un seul téléphone. Et ça va faire maintenant, je pense, au moins 6 ans que j'ai des iPhones. Oh la vache. Et pas une fente, rien. Ben moi, écoute ça, moi j'ai jamais fait tomber, mais j'avais un iPad, sauf que moi je me suis assis dessus, et donc maintenant il est genre, c'est courbé. S'il est plus droit, il est courbé. L'iPhone en Smart TV, vous voyez, c'est... tu dis, ouais, c'est pour la réalité, tu vois. Ouais. Ben alors il est fendu et tout. Ben genre, il y a une ouverture, mais il marche toujours. Genre, il s'est ouvert, il est. C'est genre un demi-cercle, mais il marche. Il s'est ouvert. Ouais, genre en bas, genre. Ouais, c'est pas un livre, Alissa. Hein. Là, comme ça, il s'est un peu ouvert. Ah, okay. Mais il marche toujours. Ouais, parce que maintenant qu'on est à la radio et qu'il est là comme ça, tout le monde a compris. Ouais, ouais. Non, ouais, d'accord. Ah oui, d'accord. Donc, ouais, mais il fonctionne toujours. Il fonctionne toujours. Alors, je dis juste pour tous ceux qui ont un écran fendu chez eux, sur leur téléphone, sur leur tablette, peu importe. Bon, c'est pas grave en soi, c'est juste chiant. On sait pas. Voilà. Mais il y a un seul truc qui est dangereux, c'est que si jamais la dalle, donc la vitre en elle-même, bouge et que vous sweepez ou vous passez le truc, vous. Mais alors, comme quand vous râpez des pommes de terre, vous voyez, c'est claque. J'ai déjà entendu ça, une histoire, un mec qui s'était coupé le doigt. Ah oui, d'accord. Ouais, ça doit faire mal. Ça m'est arrivé avec mon ancien téléphone. C'est vrai? Ouais, ouais, ça m'est. T'as une cicatrice? Non, j'ai pas de cicatrice. Non, elle c'est une guerrière, hein. À la portugaise, bla. On est bon. Bah, merci Alissa en tout cas pour ce témoignage de vie. De rien, pas de souci. Non, voilà, c'était juste en fait parce que je devais retrouver le. Ah, ok, merci. Le truc. Parce que là, elle me regardait en train de me demander. Saligo, qu'est-ce que tu veux? Je vais juste lancer la cassette si tu veux bien. C'est parti, la cassette de Jadoul de cette semaine. Emilien, je te laisse la mettre dans le lecteur. C'est parti! Ah, elle est cruelle. C'est qui a arrêté la cassette? C'est moi, parce que sinon vous allez trouver, mais... Je l'ai pas du tout. L'extrait est court, l'extrait est déformé, et il est complètement... Moi je n'arrive pas... Ah si, j'ai la réponse sous les yeux. Ah ouais, même non. Tu connais la chanson sinon? Mais sans modifier, ça te dit quelque chose? Tu connais pas la chanson? En fait, je connais l'artiste vu qu'on vient de l'écouter dans cette émission. Ah. Alors voilà, c'est un indice. Pour ceux qui sont là depuis le début, on a déjà entendu le son. Voilà. Okay. Mais pas cette musique-là. L'artiste, on l'a déjà entendu, quoi. Et c'est un featuring. Ils sont deux. Ils sont deux sur le délire. Ouais, je sais pas si vous allez trouver. Ah non, ça peut pas être ça. Alissa, un petit message de Laurent Ruquier pour toi au standard. Les hommes aiment votre poitrine. Voilà, ça c'est fait. Je sais même pas quoi répondre en fait. Merci. Merci Alissa. Bon, bah écoutez les gars, ce qu'on va faire, c'est que Alissa, t'as préparé tes 5 mots? Oui. Bah nickel, c'est parti. Qui en trouvera le plus face au chrono? C'est le jeu des 5 mots. Attention, la règle est la même que tout à l'heure. 5 mots face à 30 secondes. Et Emilien joue contre Alissa. C'est parti. Qu'est-ce qu'on pourrait colorier sur des doigts? Sur des doigts? Oui. Ouais, des crayons. Sur des doigts? Qu'est-ce qu'on peut colorier sur des doigts? Sur une main, qu'est-ce qu'on peut mettre en couleur? Ah, les ongles? Oui. Ah oui. Où va-t-on quand on est malade? À l'hôpital, au médecin. Oui. Que mettons sous ses bras quand on pue? Du déo. Que utilise-t-on pour regarder mieux ou nettement mieux? Des lunettes. Qu'est-ce qu'on mange? Enfin, qu'est-ce que la principale envie d'une femme quand elle est enceinte? Accoucher. Non, une fraise. Ah, ok. Pourquoi une fraise? Bah parce que c'est connu, les femmes, elles adorent les fraises quand elles sont enceintes. À un mot près, mais c'était le jeu le plus serré au monde. Ah, je suis frustré. Oh là là. Bon, alors, on repart pour 10 secondes. Ah, mais non, il vient de deviner. Ah, oui. Bon, bah, écoute. C'est le meilleur jeu des 5 mots de la soirée. Bravo, tu as gagné. Et moi, j'ai tout perdu. Ma dignité. C'est tellement t'aimer. On ne s'aime plus. Et salut à tous. Donc là, on se retrouve en direct dans ma salle de bain. Je sais pas. C'était quoi ça? J'avais envie de le mettre. Okay. Je sais pas. On m'a mis ce son, j'ai eu envie de le mettre. C'est voilà. Du riff, ça, non? Non, non, non. D'ailleurs, il est décédé, je pense. Non. Si, si. Allez vérifier sur internet. Sylvain Durif. Si le grand monarque. En fait, je vous explique dans une émission télé. J'ai fait une chronique sur lui. Donc, on a fait vraiment un dossier. On a montré des vidéos de lui, comme quoi il se présentait à la présidentielle et tout, et son délire cosmique là. Ouais. Tu sais quoi, de Sylvain Durif, toi? En plus, ah, mais t'étais là dans l'émission dans laquelle j'ai fait cette chronique. Oh bon, on a fait ça? Tu t'en souviens au moins? Non, alors là, pas du tout. Si, c'est un monsieur chauve comme ça. Ah là là, comment te dire? Alors, je n'arrive pas à te le décrire, mais il était space et voilà, il avait des conceptions très particulières. Ah si! Tu t'en souviens? Non, non. Oui. Regarde, une fake news lancée par un site. Oh là là! C'est mort. Je me suis fait piéger! Ouais. Oh non! C'était une fake news. Ah, j'ai eu peur, je me suis dit, on sera à court de... Oui. Qu'est-ce qu'on peut faire sans notre grand monarque? Ben oui, c'est ça, attendez. Juste un petit jour, on ira faire. Avec notre Sylvain Durif. Non mais, c'est dingue, non mais... Ouais, c'était une fake news. Oh, j'ai eu peur, hein. Ben oui, moi aussi, j'ai eu peur. Tu connais ça, toi? Ben ouais, ouais. Ah ben oui. Ben, il m'a bien fait marrer, moi. C'est vrai? J'ai regardé ses vidéos, ouais. C'est bien drôle. Non mais, dingue. Alors, là, on se pose toujours la question. Est-ce vraiment un délire? Ou alors, c'est un gars qui croit vraiment? Ah, je pense qu'il est un peu sous substance illicite. Ah, moi je sais pas. Je sais pas. J'avoue. Je pense qu'il est sérieux, hein, parce que pour ce. Ah, je sais pas. Parce que quand même, s'inscrire à la présidentielle, faut le faire, quoi. Ouais, après, on peut le faire pour dégonner. Regarde Coluche ou tout ça. Ouais. Bon, ils l'ont fait, mais c'était une vanne. Après, enfin, je sais pas. Je vous avoue que ça, c'est une. Ouais, seulement lui a la réponse. Mais ah non, je pense que t'as raison, en fait. Parce que j'ai vu une vidéo, c'est un mec qui voulait faire une photo avec lui, et il filmait en cachette, et il lui demandait 3 euros pour faire la photo. D'accord. Ouais, donc il fait payer les gens pour faire des photos. Ah oui, bah il est tranquille. Ouais, ouais. Ah oui, le gars il est pas gêné, donc c'est à dire que. Ah ouais, quand même, donc tout va bien. Le gars est tranquille, il va bien. Ouais. Tout va bien. Tout va bien. Dans quelques instants, les actualités d'Emilien vont revenir. Et qu'est-ce qu'on aura dans la suite? Juste un petit indice comme ça, juste pour nous mettre l'eau à la bouche. Bah attends, mais moi je suis pas encore au courant. T'es pas encore au courant? Attends, je te dis ça dans 3. 2 1 ouais. Forceur. Ouais. Forceur. Ouais, c'est un petit indice, tout petit, hein. Tu m'as dit petit indice. Ah oui, c'est petit, oui. Ouais. Effectivement, pas trop t'en demander. OK. Bah écoute, on va s'écouter un titre que j'adore. J'ai découvert ce matin en arrivant à la prod. Franchement, ça vaut le détour. Allez, aussi on aura Alissa, t'avais encore une chronique à nous faire, toi? Non. Ah, on a tout fait. Tu peux encore faire une petite actualité si tu veux. Bah tu peux te barrer si tu veux. Non, je déconne. Ouais, je veux bien. Ouais. Je veux bien lire. Tu sais nous en préparer une deuxième? Oui. Oh, tu es trop bonne. Je suis pas sûre que mon copain apprécierait cette remarque. Pourquoi? Bah, c'est gentil. Est-ce que je dis quelque chose de méchant? Bah non. Allez, imaginez là que vous êtes encore en vacances, il fait beau, il fait chaud, et là Alissa est nue, couchée sur le sable, et je lui étale de la crème solaire sur la fesse droite. Wow. Le tube est vide, j'en prends à nouveau pour la fesse gauche. Belle soirée, Raoul, 21h30. Welcome back à vous, vous êtes toujours dans Jadoul. Enfin, qu'est-ce qu'on avait dit avec dans Jadoul, hein? Avec Jadoul. Voilà, merci beaucoup. Reprenez-moi, dès que je dis ça, vous me lancez un bic, je sais pas, vous faites et quelque chose. Oui. Je n'ai pas oublié, tu devais te casser un œuf sur la tête. Ah oui. Mais oui, mais dans l'émission télé. Ah oui. Ouais. Pas ici. Quoique maintenant qu'on est filmé, on pourra peut-être y penser. Je vais juste voir d'abord comment il a RFM gère tout ça, parce que je sais pas trop comment les vidéos vont donner, parce que c'est le premier jour où on est filmé. Je sais pas où vont aller les vidéos, sûrement sur le site, sûrement sur des délires comme ça. Je sais pas comment ça va aller. On va appeler des restos, des gens qui fêtent leur fête aujourd'hui. On fête les Lolita et les Lola. Tout à fait. Là, on va appeler des Lola. On va appeler des Lola. On va voir comment ça se passe. Et d'ailleurs, une très connue, une Lola. Vous en avez une? Une Lola très connue? Non. Non. La femme de... Allez. Lola. Mais c'est Johnny. La femme de Johnny Hallyday. Mais non, elle s'appelle Laetitia. Voilà. Il n'y a pas de souci. Non, c'est moi qui ai un petit peu de mal. Vous êtes toujours chez Jadoul. En tout cas, nous, on passe une belle soirée jusqu'à 22h. On est là et on ne vous lâche pas. Tous les samedis, de 20h à 22h, c'est... Jadoul. Et oui. Donc maintenant on va appeler quand même un numéro tout de suite en direct. Alors j'ai pas testé le standard aujourd'hui, donc je sais pas si ça fonctionne. Ça va être magique quand même, hein. Je sais pas du tout. Ça sonne. Tu nous entends en fait? On t'entend pas, non. Ok, parfait. Ouais, je t'ai mis le même signe. Vous êtes à l'antenne, hein, juste ça, je dis rien, on vous entend. Ah, ok. Non, mais je veux dire. Autant pour moi. Non, la dame au téléphone ne vous entend pas, mais. Les auditeurs nous entendent. Les auditeurs vous entendent. Ah, bah, donc coucou. si vous voulez aller prendre un café, c'est dehors. Bon, le premier numéro ne décroche pas, c'est pas grave, on en fait un deuxième, on en a plein ça sous les Lola, yeux. Alors. J'appelle des Lola. Enfin, en principe, hein. Et on appelle du côté de Woluwe et Saint-Lambert. Un quartier que je connais bien. Je travaille à Woluwe et Saint-Lambert. Comme ça, vous savez. Hein, vous savez ma vie maintenant, il n'y a pas de souci. Alors, bon, bah, ça a du mal à décrocher. En tout cas, là, on a essayé déjà un troisième numéro. Ça rame. La dernière fois, il avait décroché du premier coup. Hein. Ouais, la première fois, c'est du premier coup. Il était nickel, le gars. On ne devait pas le rappeler. Il y avait un gars qu'on devait rappeler. Je sais plus qui c'était. Ah, mais c'était ta copine. C'était ma. Ah, mais alors on peut appeler quelqu'un que je connais, moi. On fera ça la semaine prochaine. Tu l'as la semaine prochaine? Bah, bien sûr. Ouais, ça c'est le début, ça vous verrez après. Ok, bon, là il a du mal hein, quand même avec les numéros. Le standard, c'est, je pense que c'est le sixième numéro qu'on fait qui ne décroche pas. Ah ouais. Parce qu'on en essaie en fait plusieurs en même temps. Hein. Comme ça, je vous dis tout. On croise les doigts. Allez, on va en appeler un autre. Puis après, tu fais les Lolita. Après, les... Ouais. C'était quoi déjà? Lola, là, on fait Lola. Condresse. Non, je sais plus c'était quoi. Dolores. Coronet. Quoi? T'as dit non. Quoi? Je sais pas. L'hôtel s'en fout, elle est partie de l'émission. Non, je suis toujours là, moi. Ouais, c'est ça. Allez, on appelle toujours une Lola du côté de Woluwe et Saint-Lambert. Je sais pas pourquoi on appelle dans ce quartier-là. Hein. On n'a rien choisi. Allez, il faut que ça décroche. Il y a des jours où on est chat noir. Là, je peux vous le dire que c'est le cas. Hein. Allez, on va en essayer un autre. On a du mal aujourd'hui. Ah ouais. Je sais pas ce qui se passe. Les gens sont fatigués, oui, je sais pas. Sinon, moi je connais une Lolita. Tu connais une Lolita? Ouais. Dans tes amis? Ouais. Sérieux? Ouais, mais j'ai pas son numéro, mais j'en connais une. Ah, bah dommage. Si t'aurais eu son numéro, on l'aurait appelé. Ça aurait été toujours gentil, quoi. Allez. Dernière Lolita de la soirée. Dernière Lola de la soirée. Après, on passe au Lolita ou on abandonne? Je sais pas, on verra en fonction du temps. Ok. Ou au pire, on rappellera celui d'il y a deux semaines. Celui-là, il était dingue. Il était sympa. Ouais. Mais enfin, t'étais pas là il y a deux semaines, je pense. Ok, je pensais que tu parlais de celui de la semaine dernière. Non, c'était un mec encore plus perché. Oh la vache. Ouais, non, vraiment. Bon, allez, c'est quand même dingue. Bon, allez, dernier numéro pour avoir au moins la conscience à 100% claire. Ah, j'espère que ça va être celui-là qui va répondre. Ça va être dingue. Si décroche, c'est dingue. Allez, dernier numéro de la soirée avec des interférences, ça nous fait toujours du bien. Pourvu que ça décroche. Hein. Ouais. Tous mes espoirs sont dans celui-là. Ah, ça sent mauvais là. Ouais. Quelqu'un a débranché le standard ? Allô ? Bonsoir ! Allô ? Allô, vilain ! Je vais baisser le son de ma TV. Vas-y. Parce que c'est... Minute. Oui. À qui est-ce l'honneur ? Ah ben, devine qui c'est ! Pardon ? Devine qui c'est ! À qui ? Devine qui c'est ! Je ne comprends rien du tout. À qui ai-je l'honneur ? Devine ! Quoi ? Devine, s'il te plaît. À qui ? Devine ! Devine ? Oui ! Devine, je ne devine pas. Allez. À qui ai-je l'honneur ? Moi, ben, tu es bien vilain. Quoi ? Tu es bien vilain. Oui. Et moi ? Vous foutez de moi, mais non, je voudrais savoir à qui j'ai l'honneur de parler. Ben, c'est Gérard. Quoi ? Gérard. C'est qui ? Gérard. Ce n'est pas Juju tout de même. Mais si. Pardon ? C'est le nouveau téléphone. Mais qui est le à l'appareil ? GG ! Je ne comprends rien du tout de ce que vous racontez. GG ! Parle plus fort. Je veux bien essayer plus fort, mais... GG ! C'est ? GG ! C'est qui ? GG ! C'est Juju ? Oui! Elle m'a foutu en attente. Elle m'a foutu en attente! Pourquoi elle a fait ça? Elle a pas fait exprès, hein? Je vous jure que c'est vrai, elle m'a foutu en attente. Oh non! T'as raccroché, non! Oh non! Oh la pauvre! Oh non! Elle était drôle, elle comprenait rien du tout! Oh la pauvre. Oui, alors en fait je vous explique, cette semaine j'appelle avec mon téléphone parce qu'on n'a pas déplacé le standard. Donc du coup j'appelle avec mon téléphone. Donc voilà, c'est ce qui explique. Mais le son passe bien. Ouais. C'est juste elle qui n'a pas assimilé. Voilà, au moins on n'a pas fait de mal à la dame. Non. Et c'est juste qu'elle entend pas trop. Donc à mon avis ça a dû lui arriver tous les jours. À mon avis. C'est pour ça que t'étais Juju à un moment. Oui, je suis passé de GG à Juju. Ouais. Pas compris. En tout cas voilà. J'espère que votre soirée est bonne. En tout cas nous ça va. On s'amuse. Ouais, on est bien. Et en fait oui, elle s'appelle Vilain. Ah. La fille s'appelle Vilain. Elle s'appelle Vilain. Non. Je vous jure que c'est vrai. Et elle habite à la rue Lola. Ah, donc t'as inversé le truc en fait. J'ai inversé, mais c'était fait exprès parce que les Lola elles décrochaient pas. Donc, donc voilà. Ouais. Vilain, c'est original ça. C'est original. Vilain. Bon, tu veux qu'on s'en fasse un dernier avant de lancer la musique ? Vas-y. Allez, c'est parti. On va s'écouter. On va essayer de contacter encore quelqu'un de la rue Lola. Hein. J'espère qu'ils sont pas en train de se dire par la fenêtre : écoute, il y a un mec qui nous appelle. J'espère. Allez, c'est parti, on appelle un dernier numéro. C'est normal ça ? Oui, c'est normal. Ok. Hello, you have reached the mailbox. Je m'y attendais pas, la femme. Non. J'étais là, ouais, madame. Ok, y a pas de souci. Bon, c'est dommage, c'est marrant, ça aurait pu être drôle. Allez, bah, c'est pas grave, écoutez, les amis, on va se retrouver d'ici quelques minutes, toujours à l'antenne d'Hilar FM. Il te reste encore des actus, Emilien ? Attends, je te dis ça tout de suite d'intéressant. Alors, ouais, j'en ai une au fond. Tu sais pas. Si, c'est bon, j'en ai une. T'en as une? Elle est pas notée là-dessus, mais que j'ai en tête. T'as en tête? Parce que jusqu'ici, tu les connaissais par cœur, je trouvais ça dingue. Ouais. C'est bien. En tout cas, t'as bien bossé. Hein. C'est plutôt pas mal. Voilà, en tout cas, je te remercie. Et Alissa, tu vas nous faire encore une astuce. Ah, t'en as une? Oui, oui. Ah, c'est sérieux? Oh, on a beaucoup bien de choses, ouais. Jusqu'à 22h on va devoir enchaîner les choses. En tout cas voilà, j'espère que chez vous ça se passe bien, que vous vous marrez. En tout cas n'oubliez pas, vous pouvez nous montrer comment vous écoutez la radio en nous envoyant un petit snap ou sur la page Facebook de l'émission Jadoul. En tout cas voilà, c'est pas les moyens de communication qui manquent ici je pense. D'ailleurs on a toujours pas de community manager hein. Ça veut dire un mec qui s'occupe des réseaux sociaux. Ah bah moi je veux bien. Ah oui bah on va voir ça pour un futur proche. C'est juste que je soupçonne notre ancien community manager d'avoir encore accès à l'Instagram. Parce que je constate des activités illicites sur le compte. Donc du coup je me pose certaines questions. Mais bon, on a changé les mots de passe et tout. Et bon, bah, ça... Alors soit on est piraté, sachez pas. Mais en tout cas, je sais pas, on se pose des questions. Mais ça devrait aller en tout cas dans la suite. En tout cas, Alissa. Oui. Allô. Ja. Ça va? Wer ist da bitte? Oui, moi aussi. Merci. J'avais juste un numéro. En fait, c'était pas en français. Non, bon, c'est pas grave. Hein. C'est pas grave. C'était encore quelqu'un qui habite dans la rue Lola. C'est en allemand. Non, non, c'est du néerlandais. Néerlandais ça. Merci pour ce point culture, Alissa. C'est grâce à toi que tu fais avancer le niveau culturel des auditeurs. Voilà. Voilà. Remercier parce que je suis sûre la plupart des gens. Et ben ils sont comme moi, ils comprennent pas, et du coup grâce à moi ils comprennent. C'est vrai. Il faut tout réexpliquer. Mais en tout cas oui c'est vrai parce que parfois on oublie que les gens ne comprennent pas et, voilà. Et grâce à toi quand il faut réexpliquer environ 12 fois ben on comprend que c'est important de répéter et que, exactement. Et que voilà on a pas d'omelette sans casser des œufs. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça, y a pas de souci. Ah oui la cassette de la doule, on la réécoute en vitesse avant la musique. Ouais, comme ça vous pouvez la deviner. Vous l'avez toujours pas vous hein? Ah moi non pas du tout. Allez c'est parti, enfin, jingle. J'ai une idée, mais... Qui en trouvera le. Allez-vous deviner le son de la semaine? C'est la cassette de Jadoul. La cassette de ce 15 septembre, la voici. Pour rembobiner, c'est bon. C'est qui qui a arrêté la cassette? Je sais pas. Bon voilà, on sait pas. Dites-nous, hein, plus 32, 49, 9... La feuille. 1575. C'est pas grave, voilà, vous nous contactez à ce numéro-là, il n'y a pas de souci, on vous décroche et dès que vous passez à l'antenne, même si vous n'avez pas la bonne réponse, vous gagnez un autocollant et ça, c'est quand même magique. Vous pouvez le coller sur qui vous voulez, sur ce que vous voulez, il n'y a pas de souci. Ça va vous? Mais non, mais j'ai pas l'impression que ça va vous. Si, si, ça va, ça va. C'est cette musique qui vous fait rire? Jadoula. Je me suis fait beaucoup de fans grâce à cette musique, je vous jure que c'est vrai. Mais il y en a même qui m'ont demandé, on peut pas en faire une sonnerie pour les iPhones. Donc voilà, si les gens sont assez dingues pour en faire une sonnerie, il n'y a pas de souci. Allez les amis, j'espère que vous passez une belle soirée. Vous êtes toujours dans votre émission qui est là en direct. Et on va encore passer sur la séquence d'Alissa. On va revenir sur une actualité de la semaine. Et des 5 mots. Ouais, on a beaucoup de choses à faire, on va pas traîner. Lady, hear me tonight. Bassada tout de suite, This is the life. En tout cas, elle est malade, mais elle sait rire. Hein. Ça, c'est sûr. En fait, je pense que je vais faire une boulette. Mais je vais pas la dire à l'antenne. Si je la dis à l'antenne, je vais me faire griller. Donc, on va garder ça pour nous. Alors, chers auditeurs, franchement, c'est... Vous, de toute façon, c'est une private joke. Si on vous la raconte, vous la comprendrez pas. Donc voilà, il y a rien de grave. Vous n'avez rien loupé. Si ce n'est qu'Alissa qui rigole avec sa voix cassée, c'était magnifique. En tout cas, voilà. J'espère que vous allez bien, tout simplement. Et on va se faire vite en 6e, 12e, 28e vitesse la news de Emilien, okay. Tout simplement. Okay. Ça te va? Ça me va. Je te fais dîner. Après le jingle, si tu veux bien. Ouais. Ou alors tu veux plus de jingle, ça y est, on trace, on y va. Fais-moi un petit jingle pour me le plaisir. Tu vois, hein, on va les rentabiliser, je te l'ai dit. Hein. Allez, c'est parti. News de la semaine, nouveau jingle, il est RFM en direct. Jadoul. Les infos intéressantes qui vont vous intéresser, c'est les news de la semaine. Top. Donc, un homme très chanceux, qu'est-ce qui peut lui arriver? Gagner de l'argent. Non, pas vraiment. Perdre sa femme. Non plus. Je sais pas. Encore plus chanceux de ce que t'as dit. Plus chanceux que gagner de l'argent. Plus chanceux. À part l'argent pour rendre heureux ou chanceux, je sais pas ce qu'il peut y avoir. Ah, vous trouvez pas? Non, je trouve pas, j'avoue. Ok, bah, je vais vous le dire. Vas-y, dis-nous. Alors, en fait, c'est l'histoire d'un mec. Donc, tout d'abord, il gagne. C'est l'histoire d'un mec. C'est, ouais. Qui est à la loterie, il gratte son ticket, et puis là, il gagne un. Pas le gros lot, mais un beau lot, tu et vois. Et il regagne le lendemain. Et écoute ça, hein. Écoute ça. Hein. Et après, donc, il y a la TV locale qui vient le filmer, et ils refont la scène. Ok. Et donc là, ils rachètent un nouveau ticket, ils font genre devant la caméra, et puis là, ils grattent le ticket, et c'est le gros lot. Ah, voilà. J'avais déjà entendu cette histoire, mais j'y pensais plus. Il est millionnaire. Ah oui, et c'est dingue ça. Tu devrais voir sa réaction quoi. Le mec il gratte. Ouais, parce que là il a gagné le gros lot, tu vois. Ah donc, billionnaire ça veut dire deux fois millionnaire. Quoi? Non, un millionnaire c'est quelqu'un qui a des millions. Non, mais je pensais qu'il avait dit billionnaire. Ah non, ouais. Non. Ah oui, quand même, oui. Ah, non. C'est pas Bill Gates. Hein. non, mais ouais. Ah oui, donc quand là, même. Là les mecs ils filment, ils grattent et puis genre ils s'effondrent. Genre il a gagné. C'est de chance quoi. Ouais, c'est effectivement ouais, c'est pas chanceux. Mal. Ouais. Tout à fait. Allez, c'est parti, on va se faire la petite chronique d'Alissa Noël juste après le jeu des 5 mots qui fait son comeback. Allez, c'est parti, le jeu des 5 mots. Je joue contre qui moi déjà? Contre moi. Ah bah alors c'est parti. Qui en trouvera le plus face au chrono? C'est le jeu des 5 mots. 5 secondes pour trouver 30 secondes, ouais. Excusez-moi, c'est parce que c'est 5 mots, voilà. On m'a écrit les mots, je suis pas du tout au courant. Qu'est-ce que c'est? Ah oui. Vous venez d'entendre le rire de l'auteur des mots. Là, hein. Est-ce que tu es prêt? Je suis prêt. Ouais. Ça tombe bien parce que moi non. Non, mais il faut. En fait, juste, je dis ici, hein, il faut qu'on me mette le jingle bonne réponse automatiquement dans le cartouchier parce que si je ne l'ai pas sous la main directe, je dois toujours aller le chercher. C'est pas très pratique quand on veut gagner un peu de temps. C'est vrai. Voilà, vous connaissez les détails de l'émission. Est-ce que je l'ai? C'est parfait. Allez, c'est parti. On peut partir pour les 30 secondes. C'est toi qui me donnes le top. Top. Alors. Ouais, recommence. J'ai perdu 10 secondes là. J'ai fait une Alissa. Excusez-moi. Je l'ai fait mieux quand même. Alors, la vieille voix de fumeuse, c'est vraiment le bistrot. Alors, excuse-moi. Oh merde, Aglaire. Bon, merci. C'est frais ça. Allez, c'est parti, on repart pour 30 secondes. Ouais. Mais, ah c'est moi, mais oui, pardon. Mais oui, mais oh, mon dieu, j'attendais. Attendez. Il regarde en mode bah vas-y. Je vais chercher Jadou. Ah, ouais. Tu peux venir gros con s'il te plaît, il y a un espèce d'imbécile qui est à ta place là. Bonjour, ça va? Salut, ça va bien? En forme? Ouais, très bien. J'arrive, hein, voilà, je suis avec 5 mots, ça s'est bien passé jusqu'ici? Ouais, c'est très bien. Je viens d'arriver, il est bon, sympa, je sais pas ce mec. Passe. Allez, on y va, c'est parti. Alors, c'est quelque chose que j'ai là, c'est ça? Un ordinateur. Parfait, bonne réponse. Alors, c'est ce que porte Alissa. Un sous-vêtement. Un sous-vêtement. Un soutien-gorge. Non, en dessous. Un string. Bonne réponse. C'est quelque chose qui sert à colorier. Des crayons? Qui commence par F. Feutre. C'est quelque chose qui ressemble à la silhouette d'une femme. C'est un fruit vert. Ah, une courgette? Non. Non, non. Un fruit. C'est... Allez, avec une queue, c'est vert, on peut croquer dedans, c'est comme une pomme. Une pomme? Non, l'autre. Une poire? Oui! Oh, je les ai, les 5. Il en manque un! Oh non. Il en manque un! Oh non. T'es malade! Oh. Un. Bon. Cette tristesse. Emilien va-t-il réussir à faire son jeu des 5 mots en entier? Bon, on a déjà la réponse, c'est non. mais on va te rajouter 10 secondes, parce qu'on est des gens gentils. Trop sympa. Allez, on est des gens bons, fumés, et c'est parti pour 30 secondes. 10 secondes, pardon, 10, excusez-moi. Ou 30, hein. Ouais, ça va être très facile, hein, je suis désolé. Ouais. Je vais essayer de te le faire deviner de manière difficile. Oh non. C'est parti. Alors, c'est le nom d'un film de Omar Sy. Intouchable. Non. Jurassic World. Non. Ça se mange. Chocolat. Bonne réponse, yes. Pile avant la fin du chrono. Oh, eh ben félicitations, là. Je ne m'y attendais pas. Bah je suis fier de toi. Merci, ça me touche. Voilà, tu as gagné le droit de repartir avec tes fiches. C'est déjà bien. Voilà. Bon, on est bon, ça c'est fait. On peut passer à la suite. La suite c'est l'astuce. Ah, l'astuce de notre amie Alissa. Tu veux ton jingle? Oui. Oui, le jingle d'Alice. Attention, on va le chercher là dans les archives. Hein. On va au grenier. Non, je rigole, c'est un tout nouveau jingle. En plus, tu te rends compte? C'est sympa ça. C'est des amours. Et promis, avant la fin de l'émission, on va se réécouter le Anna Yakamura là, avec Jaja, Jaja Doul. Ça, c'est sympa. Allez, c'est parti. L'astuce peu utile mais très pratique en direct. L'astuce peu utile mais très pratique. Mon astuce est, quand vous avez un hématome, vous pouvez le soigner en prenant un petit coton imbibé de vinaigre blanc. Et donc vous tapotez dessus et ça le soigne directement. Ça évite que ça gonfle et ça calme la douleur en un instant. Un hématome, tu mets quoi dessus? Un petit coton imbibé avec du vinaigre blanc. Du vinaigre blanc? Oui. Ah, déjà que l'odeur du vinaigre, je peux pas. Ah, non plus. Ah, c'est une horreur. Hein, c'est une horreur. Ouais, c'est une horreur. Une fois, je vous jure que c'est vrai. C'était quand j'étais en primaire, au tout début des primaires. Ouais. Il y avait une fille, elle avait des poux. Ah. Oui, bah ça arrive. Hein, ça arrive. Non, moi, j'en ai jamais eu. Je peux pas ça. Moi non plus. Parce que je suis souvent en fille. J'en ai jamais eu et j'ai pas eu la varicelle. J'ai très peur. T'as pas eu la varicelle? J'ai pas eu. Non. J'ai pas eu. Mais c'est obligé, hein. Ah ben pas chez Jadoul. Ça se trouve tu vas l'avoir demain. Ah non, me parlez pas de malheur. En fait tu peux l'avoir tous les jours. N'importe quel jour ça peut arriver. Bah c'est sympa. Non mais. Bah dis pas à son âge quand même. Moi c'est si hein. Non. Si. Je peux. Si il peut l'avoir là, je pense. Mais si je croise un gosse qui a la varicelle. Ah bah tu l'as. Non je le croise pas moi. Je change tu pars en courant. Ouais non j'aime pas. Non mais alors pour en revenir. Oui non c'est pas grave c'est ton micro. Donc pour en revenir non à la fille qui avait les poux. Je sais plus comment elle s'appelait. Elle s'appelait Julie. Une fille, une peste, enfin bref. Ouais, je balance, on s'en fout, on était petits. Et du coup, un jour, elle vient en classe, cheveux gras, collés. Et en fait, c'était parce qu'au matin, ses parents lui ont lavé les cheveux au vinaigre. Et pourquoi ils ont fait ça? Mais pour faire partir les poux. À mon avis, c'est la vieille astuce de grand-mère. De la grand-mère alcoolique. Ouais. qui a eu l'idée. Mais je dois dire, elle avait les cheveux gras collés avec la tache sur son t-shirt de ses cheveux parce que voilà, c'est une horreur. Et je vous jure que la prof, elle a ouvert la fenêtre en mode un peu plus. Ah. Ça sentait le vinaigre, mais une elle horreur. Elle devait être gênée, la fille. Non, elle, c'était normal pour elle. Ah, ok. Elle était, ouais, ça va, tranquille et tout. Une horreur, je pouvais pas. Bref, voilà. Et donc. Le vinaigre soulage les hématomes. Oui. J'y crois pas une seule seconde. J'y crois pas une seule seconde. Si vous voulez, je testerai pour vous. Attendez, on va lui donner un coup de pelle. Cette fois-ci, on va réussir. Non, mais je marque très facilement en fait. Attends, je vais te donner un petit hématome. Attention. Non. Je me lève. Attention, hein. Tu te tiens? Oui. Prépare-toi. Allez, c'est parti. Voilà, ça va? Ouais, ça va nickel. Ça saigne un peu, fais gaffe, hein. Ouais. Mets un mouchoir, mets quelque chose. En plus d'avoir la voix cassée, maintenant tu es malade. Voilà. Allez, tout va bien, vous êtes dans Jadoul, on a tout fait en moins de... On va rendre à l'heure. Et c'est nickel. Dingue. Ça c'est Jadoul 2.0. Prod, j'ai une question. Oui. Est-ce que je suis la seule personne au monde qui aime bien l'odeur de l'essence? Ah. On est deux. Ah. L'odeur de l'essence. Alors, je vous dis, on a plein de points communs avec Emilia, je comprends pas pourquoi. L'essence, je peux prendre le truc et le renifler. Moi aussi, c'est fou. À la station essence, moi je reste pas dans la voiture. J'adore cette odeur. C'est alors, bizarre, hein, mais en fait, ça sent trop bon. Personne ici consomme de stupéfiants, mais on est tous shootés à l'essence. On ah a non, un pas bidon moi, là. Je tiens à préciser que moi, je me shoote pas à l'essence. Hein. Oui, ouais, mais des odeurs un peu space, par exemple, un nouveau livre. Ouais. Ah, c'est ouais. Génial, tu l'ouvres et. Ah non, vous êtes vraiment bizarre. Non, mais. Tu vois combien, toi? T'inquiète, on fait pareil avec tes culottes. Bon. Allez, j'espère que vous allez bien. On se fait un titre ou pas? Ouais, on va se faire un petit titre après en l'antenne. Ça vous va? Ouais. Allez, c'est bon. Un petit coup de gueule, Elissa? Oui. C'est pour pousser la gueulante. On n'est pas contente. Mais pourquoi t'es pas contente? Je peux vraiment répondre à cette question? Ouais, vas-y. Ça va dénoncer. Eh ben, je ne suis pas contente car j'ai appris une nouvelle qui me choque vraiment. Quelle va être la nouvelle d'Alissa? C'est ce qu'on se demande. Alors on va le savoir juste après la musique. Vous êtes toujours dans Jadoul, c'est la dernière ligne droite de l'émission. On va s'écouter un titre juste après ça. J'espère que votre soirée est bonne. En tout cas, nous on la savoure avec Emilien et Alissa. On est là, on déménage votre radio et tout ça en direct. Jadoul. Allô? Oui. Allô, ma petite Lolita? Oui. Ben, je te souhaite bonne fête, hein. Mais qui êtes-vous? Ben, attends, devine qui c'est qui t'appelle pour te souhaiter bonne fête. Mais attends, Pierre. Pas de soucis. Micro, je ne sais pas. Tu ne sais pas, bah attends, qui pourrait bien penser à toi quand c'est la Saint-Lolita? Oh, bah je n'en sais rien. J'en sais rien. Passe-le-moi, il va deviner, lui, je suis sûr. Ah, c'est qui? Bah, celui qui est à côté de toi. Ah non, il n'est pas là, il est parti, il est dans la salle de bain. Ah d'accord, bah embrasse-le de ma part. Hein. Ça va. Allez, passe une belle soirée. Oui, je t'embrasse. Je sais toujours pas qui c'est, hein. Oui, ben c'est pas grave. Au revoir, merci. Au revoir. Oh, elle était beaucoup trop mignonne. Oh, elle, pardon, trop, elle était trop mignonne. Oui, oh, c'était mignon. En fait, je vous explique. Je me suis dit, comme on n'a plus beaucoup de temps, bah attendez, on va quand même se faire la fin du titre. Non, mais voilà, en fait, je me suis dit, comme j'avais envie de faire le dernier numéro, moi d'avoir une vraie personne qui fête son sa saint aujourd'hui, je me suis dit autant le faire beau dans la musique, au pire on coupera. Ouais. Et non voilà, honnêtement on a eu un bon numéro. Ouais, c'est sympa. Voilà, la cassette. Elle était toute mignonne. La réponse de la cassette. Mais d'abord, attention, c'était le dossier sur lequel on vous a laissé avant de lancer la musique. Quelle est la grosse nouvelle d'Alissa qui apparemment va tout déchirer? On ne sait pas de quoi elle parle. Attention, suspense messieurs dames. Qu'est-ce qui se passe? Alissa. Ben, j'ai pas apprécié qu'on me dise qu'on m'apprécie pas sans aucune raison. Je déteste ça. Qui a dit ça? Je ne sais point. Tu ne sais pas? Non. Quelqu'un a dit. Alors, quelqu'un que tu connais ou que tu connais pas? Moi, il me semble que je le connais pas. Après. Lui, il te connaît. À ce qui paraît, lui me connaît. Donc, je suis curieuse de. Mais je suis curieux de savoir parce que moi, je vois pas de quoi tu parles. Ah bon? Je sais pas du tout. Alors, donc résume pour les auditeurs qui n'ont rien compris. Parce que moi je t'avoue, je me mets à la place d'un auditeur, j'ai rien compris. Hein. Mais non, tu dis pas le nom. Tu t'expliques, mais tu dis pas c'est qui. On a dit à quelqu'un comme quoi on m'aimait, enfin il m'appréciait pas et qu'on savait rien me dire et qu'à ce qui paraît on n'aimait pas mon humour. Oui, mais donc, je t'ai pas dit le nom de la personne. On est d'accord. Exactement. Donc tu vas chercher. Eh oui, exactement, je vais chercher. Je t'ai juste donné des descriptions physiques. Ouais, et donc si je trouve la personne, eh ben, je serai ravie d'avoir une petite conversation avec elle. Ouh, d'accord, ok, ouais, ça va cogner, ça va saigner. Attention, je laisse Emilien lancer la cassette. Vas-y, lance-la. Vas-y. Allez-vous deviner le son de la semaine? C'est la cassette de Jadoul. Il y a-t-il un gagnant parmi toutes les personnes qui ont joué avec nous? J'ai vu des SMS défiler au plus 32 49 9 15 75. Attention, quelques secondes encore pour deviner le titre. On rebobine la cassette. Top. Fin des votes dans 30 secondes. Vous avez encore 30 secondes pour jouer avec nous. Allez-y, plus 32, 49, 9, 15, 75. Je vous en prie, c'est le numéro de téléphone de la radio. Vous envoyez la réponse par SMS. On reçoit tout et on vous téléphone. Attention, on va tirer au sort d'ici quelques instants. J'espère pour vous que c'est gagné, en tout cas. C'est pas très compliqué. Enfin, si, c'est très compliqué, justement, aujourd'hui. On a eu moins de temps que d'habitude pour vous le faire deviner. J'espère que ça va aller pour vous. Allez, encore quelques secondes. Fin du jeu. Attention, Alissa, je te laisse lancer le standard. Je t'en prie, vas-y. Oui. 3, 2, 1. Ça va s'arrêter sur quelqu'un. 3, 2, 1. Aucun gagnant ce soir n'a trouvé la bonne réponse. Eh ben, je vais vous le dire. C'était Liam Payne, French Montana, Freestyle. Ah bah en plus c'est ça. Tu l'as? Ouais, je connais. Tu l'as pas? Bah voilà, c'est un titre tout récent. Vous pouvez le retrouver dans les hits du 20h-22h et en web radio sur la radio digitale de l'émission, les hits du 19h-20h. Bah voilà, on se l'écoutera juste après l'émission si vous le voulez bien. Bon, on va rendre l'antenne hein, tout simplement. Je vais vous souhaiter une bonne nuit pour ceux qui vont se coucher ou une bonne continuation. Peut-être il y en a qui travaillent de nuit et qui nous écoutent tout simplement. On vous souhaite bon courage en tout cas pour la suite. Et alors la semaine qui va arriver là, c'est une forte semaine. Moi je vous dis, mardi, je suis à disposition d'Hilaire FM car on fait un shooting photo. On va me photographier et on va surtout me photoshopper. Non, ça va être sympa. Je l'espère en tout cas. Vous a contacté pour le shooting photo? Non. Ah ben bah ça va pas tarder. Pas du tout. Allez, en tout cas merci. J'espère qu'Alissa tu t'es amusée. Oui, comme d'habitude. Hein. Comme d'habitude. Est-ce que d'habitude tu t'amuses? C'est la question que je te pose. Bien sûr que je m'amuse. Bien sûr. Alors tu prends soin de toi parce que semaine prochaine on veut une voix impeccable. Hein. Ok. Une voix claire. Oui. D'accord. Et qu'est-ce que tu vas faire là en rentrant? Tu vas encore sortir? Non, je vais aller garder de la petite belle sœur d'amour que j'aime. J'ai cru que t'allais dire je vais garder de la bête. Ah d'accord. Bah bon babysitting alors. Merci. Et Emilien? C'était parfait. J'ai adoré. C'est vrai. T'as bien aimé. Nickel. Ouais. Et qu'est-ce que tu vas faire après l'émission? J'ai une soirée là. Qui a une soirée depuis 19h. Ah depuis 19h ils t'attendent. Ouais. Oh t'es gentil d'être venu à l'émission. Ah c'est cadeau. Enfin t'avais pas le choix. Non je déconne. Ah ben voilà. Ah ben tiens, en parlant de ça, Alissa, tu sais ce que les auditeurs disent? Quoi? À première vue, cette grosse bête a l'air redoutable. Exactement, faut toujours se méfier du loup qui dort. Eh ben, on va voir ça la semaine prochaine. T'es là la semaine prochaine? Non, je viens d'avoir un imprévu, donc je ne pourrais pas. J'ai cru que t'as dit je viens d'avoir un enfant. J'ai eu très très peur. Eh ben voilà, Claire Chazal, elle a peut-être quelque chose à nous dire pour la fin de cette émission. Il me reste à vous remercier infiniment d'avoir été fidèle. Que ne faut-il pas oublier, Emilien? Qu'on vous aime. La vie est belle, aussi belle que toi. Oui, évidemment, l'hymne de cette émission, Indochine, la vie est belle. On la connaît par cœur, cette chanson ici, je vous le dis. Ça cogne, hein. Ça tombe. Si un jour au bac ça tombe, vous l'avez. En tout cas, voilà, je vous souhaite une belle soirée. Merci de nous avoir écoutés. Il y a les podcasts qui sont là, Jadoul sur iTunes ou sur rfm.com. Et puis, on reste là, dans vos cœurs, toute la semaine. Bon courage à vous. Allez, bonne soirée. Ciao. 22h10.